les arbres sont en fleurs et la forêt a les couleurs que tu aimais. Les pommiers roses sur fond bleu ont le parfum des jours heureux. Rien n'a changé. Un peu de neige est restée, la neige que tu enlevais, je m'en souviens. En m'éveillant, je ne voyais que le printemps qui grandissait dans notre jardin. Mon petit, je t'aime, je n'avais que toi. Et tu n'es plus qu'une ombre qui dort près de moi. Lorsque je rentrais tard parfois, tu ne t'endormais pas sans moi. Tu m'attendais, tu m'as parlé toute une nuit de ce que serait notre vie si je voulais. Un soir d'orage avant Noël, tu m'as dit qu'il faisait soleil, et j'y croyais. Je me souviens, tu me disais qu'on ne se quitterait jamais, et j'y croyais. Mon petit, je t'aime, je n'avais que toi. Et tu n'es plus qu'une ombre qui dort près de moi. Pourquoi ces fleurs dans le jardin, cette nuit bleue illuminée par les étoiles? Deux ans que le printemps revient, mais qu'il ne me sert plus à rien qu'à me faire mal. Et malgré tout, malgré le temps, je te revois rire et courir à travers champs. Ce fut mon dernier vrai printemps, tu t'es endormi pour longtemps, pour trop longtemps. Dans un autre monde très loin, il est paraît-il un jardin plus beau qu'ici. Un grand théâtre où mon amour jouait continue chaque jour d'aimer.